et sans espoir, tu bosses jusqu'à 6 heures du soir. Paris, métro pour le voyage, la variété du paysage, la page de pub dans les stations et le tunnel du beau, du bon Paris, de la sueur et du temps qui file triste et fatigant. Paris, le sandwich de midi dans un troquet vieillot et gris. Aujourd'hui, plus de demain que la folie, l'herbe qui pousse sur l'alcool pour être sûr que ça décolle. Paris qui danse sur son nombril comme sur le ventre d'une fille. Cette fille.